Ouais, j'essaie, ouais, attends. Putain, mais j'essaye, mais... Attends. Ah merde, je m'entends plus. J'ai fait des tests, des réglages. Voilà, c'est bon, je m'entends. J'ai essayé de mettre deux canaux avec le micro et la guitare. Est-ce que ça marche? J'étais pas devant l'écran, désolé. Attends, il est où le niveau là? Et est-ce que tu vois deux canaux? Attends, attends. Elle est trop forte, guitare. Ça va mieux là? Note-le. D'accord. 125.